بسم الله الرحمن الرحيم حم تنزيل من الرحمن الرحيم كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون. Au nom de Dieu, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Ha Mim. Voici une révélation du tout miséricordieux. Du très miséricordieux. Une écriture dont les versets sont exposés en détail, une lecture en arabe pour des gens qui comprennent, apportant une bonne nouvelle et un avertissement. Mais la plupart des gens s'en détournent, alors ils n'entendent rien. Et ils disent : Notre cœur est protégé contre ce à quoi tu nous appelles, ô Mohammed. Nos oreilles sont sourdes. Et entre toi et nous, il y a comme une cloison. Agis donc comme tu l'entends, nous agirons de même à notre manière. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. Dis-leur, je ne suis qu'un mortel comme vous. Il m'a été révélé que votre Dieu est un Dieu unique. Alors empruntez donc le droit chemin menant vers lui. Et implorer son pardon. Et malheur aux polythéistes qui n'acquittent pas la zakat et ne croient pas en l'au-delà. Ceux qui ont cru et effectué de bonnes œuvres auront un salaire jamais ininterrompu. قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين. Dis, comment pouvez-vous me croire en celui qui a créé la terre en deux jours et lui donné des égaux? Tel est le Seigneur des univers. Il a implanté sur elle des ancrages, il l'a bénie, et il a réparti ses nourritures en quatre jours pour ceux qui interrogent. ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. فقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم. Puis il s'est tourné vers le ciel qui était alors fumée, et lui a dit, ainsi qu'à la terre, « Venez tous deux de gré ou de force. » Et tous deux ont répondu, « Nous venons, obéissant. » Il en a fait sept cieux en deux jours, et a révélé à chacun d'eux sa fonction. Et nous avons décoré le ciel le plus proche de luminaire, et l'avons pourvu d'une protection. Tel est le décret établi par le Puissant, l'Omniscient. فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ إِذْ جَاءَتْهُمُ الرُّسُلُ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ قَالُوا لَوْ شَاءَ رَبُّنَا لَأَنزَلَ مَلَائِكَةً فَإِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ فَأَمَّا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَقَالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَهُمْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ. S'ils se détournent, alors dis-leur, je vous mets en garde contre un fléau semblable à celui qui frappa les Hades et les Thamouds. Des messagers s'étaient présentés à eux de toutes parts. Il leur avait dit, n'adorez que Dieu. Mais ils avaient répondu, si notre Seigneur avait voulu, il nous aurait certainement fait descendre des anges. Nous ne croirons pas au message avec lequel vous avez été envoyés. Les Hades se montrèrent injustement arrogants sur terre. Ils disaient, « Quel peuple est plus fort et plus puissant que nous ? Ne voyaient-ils pas que Dieu, qui les avait créés, était bien plus fort et bien plus puissant qu'eux ? » Et ils rejetèrent nos signes. « فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي أَيَّامٍ نَحِسَاتٍ لِنُذِيقَهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَخْزَى وَهُمْ لَا يُنصَرُونَ. Alors nous déchaînâmes contre eux un vent violent durant des jours néfastes afin de leur faire goûter un châtiment humiliant en ce monde. Le châtiment de l'au-delà cependant sera encore plus humiliant. Ils ne seront point secourus. فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون. وَنَجَّيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ. Quant aux Thamoud, nous les guidâmes, mais à la guidance ils préférèrent l'aveuglement. C'est alors qu'ils furent foudroyés par le supplice le plus humiliant, en rétribution de ce qu'ils avaient acquis. Et nous sauvâmes ceux qui croyaient et se comportaient en piété. ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا قَالُوا أَنطَقَنَا اللَّهُ الَّذِي أَنطَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ Et le jour où les ennemis de Dieu seront rassemblés et conduits vers le feu, on les poussera dans sa direction. Quand enfin ils viendront à ce feu, leur ouïe, leur vue, leur peau témoigneront contre eux de ce qu'ils faisaient. Ils diront à leur peau, « Pourquoi avez-vous témoigné contre nous ?» Dieu, répondent-elles, nous a donné la parole, lui qui fait parler toutes choses. C'est lui qui vous a créé la première fois, et c'est vers lui que vous retournerez. وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَتِرُونَ أَنْ يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَا أَبْصَارُكُمْ وَلَا جُلُودُكُمْ وَلَكِنْ ظَنَنْتُمْ أَنَّ اللَّهَ لَا يَعْلَمُ كَثِيرًا مِمَّا تَعْمَلُونَ وَذَلِكُمْ ظَنُّكُمْ الَّذِي ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ أَرْدَاكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ فَإِنْ يَصْبِرُوا فَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ وَإِنْ يَسْتَعْتِبُوا فَمَا هُمْ مِنَ الْمُعْتَبِينَ Vous ne pouviez pas vous cacher au point d'empêcher vos oreilles, vos yeux et votre peau de témoigner contre vous, et vous pensiez que Dieu ignorait bon nombre de vos actions. Ce sont ces pensées que vous aviez au sujet de votre Seigneur qui vous ont détruit, et aujourd'hui, vous vous retrouvez parmi les perdants. S'ils endurent, le feu sera tout de même leur demeure, et s'ils cherchent à s'excuser, leurs excuses seront rejetées. وَقَيَّضْنَا لَهُمْ قُرَنَاءَ فَزَيَّنُوا لَهُمْ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ وَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ إِنَّهُمْ كَانُوا خَاسِرِينَ Au cours de leur vie sur terre, nous leur avions assigné des compagnons inséparables, des démons, qui leur enjolivaient leurs actions présentes et passées, et le décret contre les communautés de djinns et d'humains qui ont vécu avant eux s'est accompli. Ils seront certainement perdus à jamais. وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون فلنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا ولنجزينهم أسوأ الذي كانوا يعملون ذلك جزاء أعداء الله لهم فيها دار الخلد جزاء بما كانوا بآياتنا يجحدون وقال الذين كفروا ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين Ceux qui ne croient pas disent « N'écoutez pas ce Coran, faites du chahut pendant sa récitation, peut-être aurez-vous le dessus. Nous ferons certes goûter aux mécréants un terrible châtiment et nous les rétribuerons selon les pires actions qu'ils faisaient. Telle est la rétribution des ennemis de Dieu, le feu. Ils y trouveront une demeure éternelle, une juste punition pour avoir rejeté nos signes. Et les mécréants diront « Notre Seigneur, fais-nous voir ceux qui nous ont trompés parmi les djinns et les hommes. Nous les écraserons sous nos pieds, afin qu'ils soient les plus bas. » إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. Certes, ceux qui disent Notre Seigneur est Dieu et qui se tiennent dans le droit chemin, les anges descendent sur eux et leur disent Ne craignez rien et ne vous affligez pas, mais recevez la bonne nouvelle du paradis qui vous est promis. Nous sommes vos alliés et protecteurs en ce monde et dans l'au-delà. Là, vous obtiendrez tout ce que votre âme désire et tout ce que vous réclamerez. Un lieu d'accueil du pardonneur, du tout miséricordieux. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. Et qui tient un meilleur langage que celui qui appelle vers le Seigneur, fait le bien et dit « Certes, je suis du nombre des musulmans, soumis à Dieu. » La bonne et la mauvaise action ne sont pas égales. Repousse la mauvaise par la plus belle manière, et voilà que celui avec qui tu avais une animosité devint tel un ami intime. Mais ce privilège n'est donné qu'à ceux qui sont patients et à ceux qui ont reçu une grâce immense. Et si jamais Satan t'incite à agir autrement, alors cherche refuge auprès de Dieu. Certes, il entend tout et il sait tout. ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون. Et parmi ces signes, il y a la nuit et le jour, le soleil et la lune. Ne vous prosternez ni devant le soleil, ni devant la lune, mais prosternez-vous devant Dieu qui les a créés. Si c'est vraiment lui que vous adorez. Mais si les mécréants sont trop orgueilleux, du moins ceux qui sont auprès de ton Seigneur le glorifient nuit et jour, sans jamais se lasser. وَمِنْ آيَاتِهِ أَنَّكَ تَرَى الْأَرْضَ خَاشِعَةً فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ إِنَّ الَّذِي أَحْيَاهَا لَمُحْيِي الْمَوْتَى إِنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. Et parmi ces signes, vois cette terre stérile et aride. Dès que nous faisons descendre l'eau sur elle, elle frémit et augmente de volume. Certes, celui qui lui redonne la vie est celui qui fera revivre les morts, et il est tout puissant. إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير. إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. Ceux qui altèrent le sens de nos signes ne nous échappent pas. Celui qui est précipité dans le feu est-il meilleur que celui qui parvient en toute sécurité au jour de la résurrection? Faites ce que vous voulez. Dieu voit parfaitement tout ce que vous faites. Certes, celui qui ne croit pas au rappel qui lui est parvenu, alors que c'est une écriture inattaquable. Le faux ne peut l'atteindre d'aucune part, ni par devant ni par derrière. C'est une révélation émanant d'un sage, digne de louange. ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك إن ربك لذو مغفرة وذو عقاب أليم ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته أعجمي وعربي قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد. Il ne t'est dit que ce qui a été dit aux messagers avant toi. Ton Seigneur est certes détenteur du pardon et détenteur aussi d'une terrible rétribution. Si nous avions fait un Coran en une langue autre que l'arabe, ils auraient certainement dit, si seulement ces versets avaient été exposés clairement, afin que nous puissions comprendre. Quoi? Une langue étrangère et un messager arabe? Dis-leur. Pour ceux qui croient, il est un guide et une guérison. Quant à ceux qui ne croient pas, leurs oreilles sont sourdes et ils ne leur apportent qu'aveuglement. Ceux-là, c'est comme s'ils étaient appelés d'un endroit lointain. Ils n'arrivent pas à entendre. وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ. Nous avons certainement donné à Moïse le livre. Celui-ci fut un sujet de désaccord. N'était une parole déjà venue de ton Seigneur, on aurait certainement déjà tranché entre eux. Ils sont vraiment à son sujet, dans un doute troublant. من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. Quiconque fait une bonne œuvre, c'est pour son bien. Et quiconque fait le mal, agit à son propre détriment. Et ton Seigneur n'est jamais injuste envers ses serviteurs. إليه يرد علم الساعة وما تخرج من ثمرات من أكمامها وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه ويوم يناديهم أين شركائي قالوا آذناك ما منا من شهيد وضل عنهم ما كانوا يدعون من قبل وظنوا ما لهم من محيص. La connaissance de l'heure relève de Dieu. Pas un fruit n'émerge de son enveloppe, pas une femelle ne conçoit, ni ne met bas sans qu'il ne le sache. Et le jour où il les appellera, où sont mes associés présumés? Ils répondront, nous le confessons devant toi, aucun de nous ne peut témoigner de leur existence. Ceux qu'ils avaient l'habitude d'invoquer auparavant les abandonneront, et ils réaliseront qu'ils n'ont plus aucune échappatoire. لا يسأم الإنسان من دعاء الخير وإن مسه الشر فيئوس قنوط ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي وما أظن الساعة قائمة ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى فَلَنُنَبِّئَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِمَا عَمِلُوا وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ. L'homme ne se lasse pas de prier pour obtenir de bonnes choses, mais si un mal le touche, le voilà découragé et désespéré. Et si nous lui faisons goûter une miséricorde de notre part, après qu'une détresse l'ait touché, il dit « Cela m'est dû, et je ne crois pas que l'heure vienne un jour. Et si je suis vraiment ramené vers mon Seigneur, je trouverai certainement auprès de lui la plus belle part. Nous rappellerons certes aux mécréants tout ce qu'ils auront fait, et nous leur ferons certes goûter un dur châtiment. وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَى بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كان من عند الله ثم كفرتم به من أضل ممن هو في شقاق بعيد. Quand nous comblons l'homme de bienfaits, il se détourne et se replie sur lui-même. Mais dès qu'un mal le touche, ses prières n'en finissent plus. Dis, voyez-vous si ce livre provient réellement de Dieu? Et que vous le rejetez, qui donc sera alors plus égaré que celui qui est en conflit ouvert avec Dieu? أَوَلَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ أَلَا إِنَّ إنهم في مرية من لقاء ربهم ألا إنه بكل شيء محيط. Nous leur montrerons nos signes dans l'univers ayant eux-mêmes jusqu'à ce qu'il leur devienne évident que ce Coran est la vérité. Ne suffit-il pas que ton Seigneur soit témoin de toutes choses? Quoi? Sont-ils encore dans le doute quant à leur rencontre avec leur Seigneur? C'est pourtant lui qui embrasse toutes choses dans sa science.